c'est quoi ta tonne qui me revient dans les oreilles tout le temps? C'est moi, j'ai plus le même état comme avant. Plus le temps comme avant pour remplir mes oreilles. Dis-moi, c'est quoi ta tonne qui me revient comme le soleil tout le temps? Quand tu viens, c'est jamais pour longtemps. Shoot it up.